jeudi, jour où j'ai dit après-midi, moi t'es sans distraction, moi t'es senti comme sans position, moi gagné ou mon zoni, j'aurais ma game sans consolation, lui fais une proposition, on a l'assisté répétition, lui fais une proposition, on a l'assisté répétition. Un seul, mia, mia.